Oh, je me présente Molotov, hey! Undercover, hey! Le micro chauffe, hey! Appelle-moi Mr. Over, hey! Moi j'innove, hey! Depuis Radio Nova, hey! Sur un son qui groove, hey! Qui va raser ta touffe, hey! Pourquoi tu l'ouvres, hey! Quoi, qu'est-ce que tu me prouves, hey! Ta carrière je crève, hey! Comme un Aquanikov, hey! Vas-y tu me couvres, hey! Braquage sur un convoi, hey! Mon flow dans ta cove, hey! J'attends que ça les achève, hey! Le son t'achève, hey! Danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, hey! Ça rêve à trop de œuvres, hey! Vas-y chauffe, ça rêve t'es pas love, hey. Bouge la tête des youves, hey. Les bourgeois deviennent ouf, hey. J'ai vu que te prouve, hey. Ça vient dans les sous-bois, hey. Pas de son pour les deux bois, hey. J'parle pas la langue de bois, hey. C'est Rouskov, hey. C'est Négal au Tamba, hey. Ton style est trop bof, hey. Moi Hamdoullah Sava, hey. J'abuse comme un junkie, hey. CF n'est pas funky, hey. La merde dans ton paquet, hey. L'horreur moi c'est chucky, hey. Flow trop paraki, hey. J'mange tôt comme les hackers, hey. J'glisse comme au ski, hey. Au top comme Cherokee, hey. Lève tôt comme les frosties, hey. L'aile mange pas de GS, hey. Toujours le philo fish, hey. Au McDo, bitches, hey. J'contrôle mon BS, hey. Même en période de crise, hey. La lame j'ai KS, le terre-terre, j'maîtrise. Moi j'suis pas la BS, je pèse le champ BS. J'te le dis en tout franchise, ton flow il pue la BS. J't'effonce comme une paire KS, tes keufs dans ta DS. T'as retrouvé ton rap, faut que j'te dise que t'es mon VS. J'me tape jamais la fiche, ma tête est mise à prier. J'm'en fiche, le rap français sur moi a mis une fiche. Vas-y créer Molotov 4, G8, c'est le Zin. Travaille à PK. Rabâche comme le charras, hey. J'm'en prends la raas, hey. Quand j'kick, tu naas, hey. J'sais pas, c'est comme aas, hey. La classe qui te caasse, hey. Ma voix t'es raas, hey. Grouille, ça tracasse, hey. Sur la as, des aas, hey. Putain t'es naas, traas, hey. J'rêve d'un bon la as, hey. Au bas à ma as, hey. Pour l'instant j'ramasse, hey. Des billets, j'en de la caas, hey. Tu connais mon plan as, hey. À la baas, hey. J'sais pas pourquoi tu caas, hey. Chut, on te caas, hey. T'as peur de me faire faas, hey. Comme une liasse, hey. J'suis solidaire, mais mon chien on galère de whisky. Et la as, je veux pas ta bouche pour sucer ma classe. Et ta as, vas-y fais, sois un beat qui t'écrasse. Je te déclasse, c'est ma deuxième classe. Je désosse ton flow, aïe t'es bon pour la casse. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!